viens débloquer, dis-moi qu'est-ce t'en dis. J'ai cerveau qui sature après 5 pilons de bœufs. La rira c'est une grosse chienne, elle veut de la galanterie. Tout je sais, les infos montent jusqu'au 42. C'est ta frappe, c'est les rats, ça vient des manguettes. C'est le gars, c'est trop hard, assise devant banette. Ça te regarde, saute dessus, t'as une grosse carrure. Une pointure, se mélange pas avec des vieilles ramzettes. Mia c'est Mia, c'est sanglé pour sangler. Ils sont tout mignons, souris comme le petit Kanté. Minap sont les jaloux, même plus y'a rien qui change. C'est montré que t'es atteint, tu cherches à te venger. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, t'es le roi de la famille. Souris à la vie même si t'es haut armé. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, t'es le roi de la famille. Souris à la vie même si t'es haut armé. Dans ma rue y'a la dupe, c'est la vendetta. Revendiquer le haram, nous c'est tout ce qu'on fait pas. Dehors t'oses pas l'ouvrir, à la messe tu fais ta folle. Et derrière ton écran c'est que tu te prends pour Vegeta. Écoute pas les rappeurs, j'te dis que c'est des gros mythos. Ça les voit plus dans leur quartier, banaf dans l'hélico. Tu verras ceux qui n'ont rien, ils diront que c'est léger. Et c'est en famille qu'on passera le dimanche à Bamako. En vrai j'suis bien mais j'en ai marre de tout. J'aime bien quand on se parle, on s'arraque surtout. J'ai ta frappe, tiens bout de ça et prends-toi un bout. Et si tu fais c'est le jour, toi tu restes au trou. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, c'est le roi de la famille. Souris à la vie même si t'es haute armée. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, c'est le roi de la famille. Souris à la vie même si t'es haute armée. Avec l'allure d'un deux temps, tu veux faire quoi? Quand il t'arrive un pépin, regarde il dresse qui. Il jalouse, pleure des yeux dans le RS3. Endetté, t'entends nos haps, ils vont plus besky. C'est ça la décision, par jour les rats. Corrompu à la mort, tout comme Michel Leray. Y'a toujours la hache derrière la caméra. Quand tu joues dans la jupe, mais tu m'as repéré. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, t'es le roi et t'es la famille. Souris à la vie, même si t'es haute armée. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, t'es le roi et t'es la famille. Souris à la vie, même si t'es haute armée. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, t'es le roi et t'es la famille. Souris à la vie, même si t'es haute armée. Chante plus dans les clubs, moi ça m'a fané. J'oublie pas mes potos qui sont condamnés. T'es mon frère, t'es le roi et t'es la famille. Souris à la vie, même si t'es haute armée.